vif. Un putain de salopard qui bosserait chez les narcotiques. Un genre de mec dont le cerveau est noyé dans l'alcool, qui ne respecte pas mon putain de droit du sol. La République, bam, bam. Le séquestrer lui et sa femme qui nous rendent notre fric. Mettre les ministres sur des p***. Se déboucher pour survivre dans cette jungle.